Vous écoutez France Culture, une nuit que nous consacrons à Franz Kafka à l'occasion de la parution récente des deux premiers volumes d'une nouvelle traduction des œuvres complètes à la Pléiade, édition que vous avez dirigée, Jean-Pierre Lefebvre. Rebonsoir. Bonsoir. Deux volumes qui rassemblent donc tous les textes narratifs de Kafka. Dans le premier, les nouvelles et les récits brefs, qu'ils aient été publiés du vivant de Kafka ou bien retrouvés et rendus publics après sa mort. Et puis pour le deuxième tome, les trois grands romans posthumes, Le Disparu, Le Procès et Le Château. Nous avons choisi au cours de cette nuit de donner à entendre en priorité des lectures de ces récits brefs pour qu'on puisse les entendre dans leur intégralité. Depuis le début de la nuit, on a ainsi pu écouter La Métamorphose dans une adaptation de Jacqueline Clancy en 1969. À l'instant, on écoutait Jean Taupart lire Un champion de jeûne, cette nouvelle dont vous avez quant à vous traduit le titre, Jean-Pierre Lefebvre, par Un virtuose de la faim. Et puis on a aussi écouté le documentaire que Marie-Christine Navarro avait consacré à Kafka pour l'émission Une vie, une œuvre en 1987. Je voudrais reprendre sur cette nouvelle qui, dans votre édition, Jean-Pierre Lefebvre, s'appelle Un virtuose de la faim. Pourquoi d'abord tout simplement avoir choisi ce titre-là plutôt que les autres traductions? Un champion de jeûne avait traduit Alexandre Vialat, il y avait eu aussi un artiste de la fin. Pourquoi ce choix-là? Bon, a priori, comment dire, je me méfie de la manie de changer les titres à chaque fois. Et ça peut être mal interprété. Et puis le titre, souvent, est quelque chose qui appartient à l'éditeur, qui, en fonction de ses qualités propres, va attirer les lecteurs. Donc, il faut être prudent. J'ai changé, y compris dans les nouvelles de Zweig, par exemple. J'avais aussi proposé aux traducteurs de changer les titres. Ça donnait lieu à des discussions et on finissait toujours par se mettre d'accord. Pour l'édition complète des œuvres complètes à la Pléiade que la vous Pléiade aviez aussi oui. dirigé. Donc dans le cas, par exemple, de La Sentence, hein, qui est un autre titre que j'ai choisi pour là où on traduisait par Le Verdict, j'avais tenté d'installer dans La Sentence aussi ce qui est connoté par l'allemand Das Urteil, c'est-à-dire aussi le jugement qui est porté par le père sur le fils, etc., qui joue un rôle majeur dans cette première nouvelle réussie par Kafka, et le jugement qui est aussi le jugement du jugement dernier, qui est le jugement, voilà, etc. Et puis il y avait une telle importance de Kippour aussi, de la fête annuelle dans le texte, que je tenais beaucoup à ce que Le Verdict, évidemment, c'est aussi un énoncé judiciaire. Il faut peut-être rappeler cette nouvelle, donc l'une des premières que Kafka qui achève. Qui raconte un épisode dans lequel un fils vient trouver son père pour lui parler d'une lettre qu'il est en train d'écrire à un ami. Ça déclenche une espèce de colère du père qui finit par être extrêmement humiliante pour le fils. Et au terme de cette colère, le père condamne son fils. Mais après avoir énoncé toute une série de jugements sur ce fils, qui ne sont pas uniquement des jugements judiciaires, mais des jugements comme ça, moraux, voilà, il condamne son fils à mourir, et le fils interprète cette sentence, il l'interprète comme signifiant qu'il doit le faire tout, et il prit une sorte de raptus, il va se jeter dans la rivière, dans la Moldau. Si c'est la Moldau, ce qui est extrêmement probable. Et donc, comme par ailleurs, quand on dit le mot sentence en français, on est beaucoup plus près de sentence de mort que de verdict, parce que même une amende de 30 euros pour le parking fautif est aussi un verdict, tandis qu'une sentence, c'est autre chose. Enfin, il y a toute une réflexion derrière. Donc, j'ai trouvé ce titre plus adéquat. Et là, je l'ai modifié, mais j'aurais pu aussi modifier, ça, on me l'avait proposé, j'y avais pensé tout de suite. La métamorphose, c'est pas la métamorphose, c'est la transformation. C'est oui, une vous transformation. Dites très bien que Die Verwandlung, voilà. Le terme allemand, est plus large en réalité. Mais là, le poids de la notoriété était trop fort. Et puis ça aurait été un jeu inutile. En revanche, il y avait le problème de Hunger Künstler, qui y a des modèles derrière ce mot composé, notamment Lebenskünstler, etc., des gens qui savent vivre, qui manifestent une certaine virtuosité par rapport à un instrument. On dit c'est un virtuose du piano, on dit pas c'est un artiste du piano, ça serait tautologique. Voyez-vous. Et donc, Un artiste du jeune, je trouvais que du point de vue même de la morphologie du mot composé, de la locution, ça ne fonctionnait pas bien. Il y avait, d'ailleurs, tous les traducteurs avaient peiné à trouver un titre, champion de jeune ou artiste de la fin, etc. Et finalement, moi, j'ai trouvé que le mot virtuose correspondait assez bien à Künstler, c'est-à-dire quelqu'un qui manifeste un grand art dans l'exercice de la fin est son instrument, la fin est son violon, la fin est son porte-plume, la fin est ce avec quoi il s'adresse à autrui en disant voilà, j'ai faim, je meurs. Et donc je pensais qu'il fallait que la fin soit présente dans le titre, le mot fin, avoir faim, et que par ailleurs ce qui pilote ce mot dans la locution soit adéquat. Voilà, donc j'ai proposé ça. Et indépendamment même des titres, parlons quand même un peu de vos choix de traduction plus globalement. Vous expliquez dans l'introduction de la Pléiade, à propos de la langue de Kafka, vous dites que c'est une langue transparente, mais vous dites aussi que cette transparence, paradoxalement, représente une difficulté pour les traducteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là ? Je pense qu'on peut parler dans le cas de Kafka, de l'écriture de Kafka, par comparaison, une espèce de syndrome Beckett dans la littérature française. C'est-à-dire que Beckett est un anglophone qui apprend le français magnifiquement, qui le parle très très correctement, etc. Mais il y a un certain nombre de choses qui lui échappent et dans des endroits dans lesquels il ne s'aventure pas. Et en particulier, il ne va pas s'avancer dans le marécage des ornements, etc., où il risquerait de se noyer. Et donc, la langue est sobre, très transparente. Et chez Kafka, c'est un peu ça. Et il l'a lui-même expliqué. C'est-à-dire que, certes, c'est sa langue maternelle, mais c'est une langue maternelle, donc, apprise auprès de la mère et du père, etc. En écoutant parler et en parlant avec des locuteurs qui, eux, ont dû apprendre cette langue et pour qui ça a vraiment été une langue étrangère au départ. Donc il est conscient de ce processus qui a abouti à son allemand à lui. Mais on observe chez lui une espèce de respect de cette sobriété objective initiale en quelque sorte. C'est un choix littéraire alors que les autres écrivains de Prague vont dans le sens de la mode, écrivent comme Stefan Zweig avec beaucoup d'adjectifs, des modalisateurs, etc. Mais vous dites que la langue de Kafka, l'allemand de Kafka est très différent de l'allemand de ses contemporains. Elle est différente, mais bon, en même temps, il faut quand même pas exagérer. Elle est différente, et en particulier, par exemple, Kafka n'hésite pas à répéter 50 fois le mot « dit-il », sans varier les choses comme un amoureux de la belle écriture le ferait par ailleurs. Et même, il répète des paquets entiers des syntagmes pour plus de clarté, ce que je trouve extraordinairement pédagogique en réalité. Car on ne perd pas son temps inconsciemment à repérer à quel substantif antérieur il faut attribuer tel pronom qui apparaît dans le texte. Là, c'est beaucoup plus simple. Ça ressemble à l'allemand philosophique de ce point de vue. Répétition que vous avez tâché de respecter, d'une certaine façon, dans la traduction française. Vous parlez aussi de toutes ces épices logiques ou rhétoriques, dites-vous, je reprends votre expression, tous ces petits mots monosyllabiques utilisés par Kafka qui créent un ton d'oralité, dites-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est quoi l'oralité de la langue de Kafka ? Bien, je vais vous donner un exemple de ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est-à-dire sur les lettres à Milena. Et j'ai regardé les traductions qui ont été faites, en particulier celle de Vialat. C'est très très beau, mais presque trop beau. Et surtout, Vialat a éliminé de sa traduction justement ces épices, ces petits mots qui ne sont pas seulement des marqueurs d'oralité, qui en sont, bien sûr, mais qui sont aussi des marqueurs de la présence physique du corps de celui qui écrit dans le texte, qui sont une espèce de chorégraphie personnelle de ce qu'il est en train d'écrire. Et avec des éléments de la stratégie de séduction de Milena, qui sont justement investis dans ces petits mots qui, l'air de rien, crée un ton par exemple, il dit oui, je vous en veux pour ceci, etc. Et puis ensuite, il ajoute tout de suite une contradiction. Il dit mais finalement, il est bon qu'il y ait que je vous en veuille quelque part pour compenser. Il n'en dit pas plus. Hein. Mais pour compenser quoi? Mais évidemment pour compenser un affect amoureux qu'il veut lui faire connaître. Hein. Et que, comme Milena est évidemment une femme extrêmement sensible et intelligente, elle a évidemment compris tout de suite. Et donc, tout ça est porté par des « d'or » quand même, malgré tout, hein, comme on dirait, hein, ou « ya » qui correspond presque au français, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui sollicite, vous êtes bien d'accord avec moi, hein, comme je viens de faire. et voilà, donc, ceci est en général un problème pour les traducteurs, ce que je comprends tout à fait, parce que les équivalents français sont beaucoup plus consommateurs d'espace typographique que « ya »,« dor »,« nun »,« schon », etc. en allemand. Bon, c'est comme ça. Cela étant, en français, cette longueur ne pèse rien, donc ça, je pense que ça n'est pas un problème fondamentalement. La langue allemande était sa langue maternelle, il n'en avait pas d'autre, n'est-ce pas? Mais en même temps, il ne se sentait que l'hôte de la langue allemande. Il disait « je suis l'invité de la langue allemande ». Et ça a déterminé en grande partie la constitution de son style. Parce que s'il n'était que l'hôte de la langue allemande, il ne se donnait pas le droit de faire justement ce que tout écrivain allemand peut faire, c'est-à-dire se forger de nouveaux instruments d'expression en créant des mots, en créant des néologismes, ce qu'on peut très très bien faire en allemand, on le fait même trop facilement, mais au contraire, il lui fallait se servir d'une langue réduite vraiment à son dénominateur commun, qui pour lui, disons, était la langue de ses papiers d'identité. La langue administrative, parce que dans l'ancienne Autriche, vous le savez aussi bien que moi, il y avait je ne sais pas combien de langues, parfois des dialectes, mais aussi des vraies langues. Et le seul dénominateur commun de tout l'Empire, c'était l'allemand, parce que tout le monde faisait son service militaire en allemand et que les papiers administratifs étaient faits en allemand, sauf pour la Hongrie, où il y avait aussi une administration hongroise. Mais autrement, à Prague, l'administration était allemande, du temps de Kafka. Donc c'était là le bien commun, le plus petit dénominateur, dont un écrivain qui se sentait d'autre part pas chez lui, dans la langue, avait le droit de se servir. Il a poussé cette conception évidemment très très loin, il est le seul dans son cas, et c'est ce qui donne à son style quelque chose de tout à fait inimitable, qui est, si vous voulez, une rigueur extrême, une pauvreté, pour ainsi dire, volontaire du vocabulaire, mais en revanche, toute la richesse est dans la syntaxe, toute la richesse est dans la forme de la phrase, l'envol de la phrase, toute la poésie aussi est là. Alors, la pauvreté du vocabulaire, mais tout de même, il a utilisé toutes les ressources que la syntaxe de la langue allemande lui donnait, sans rien inventer, sans rien bouleverser, sans rien créer, entre guillemets. En fait, il a créé une langue allemande qui est certainement parmi les plus pures, les plus belles, et maintenant, aujourd'hui, les plus classiques. Marthe Robert au micro de Katharina von Bülow dans un entretien à voix nue diffusé en mars 1991 sur France Culture. Marthe Robert qui évoque donc la spécificité de la langue de Kafka et de son usage de l'allemand. Marthe Robert qu'on entendra dans cette deuxième partie de la nuit, invitée de Jean Amrouche dans l'émission Des idées et des hommes. Elle parlait en particulier du procès dans une émission de 1955. Jean-Pierre Lefebvre, vous saluez en conclusion de votre introduction à ces œuvres complètes de la Pléiade, la vaste confrérie des traducteurs de Kafka, dont Marthe Robert fait partie. Vous vous êtes senti, en faisant cette entreprise de traduction, rejoindre une confrérie? Oui, une confrérie historique, dont beaucoup de représentants ne sont plus là, mais une confrérie qui joue son rôle dans la réception d'un auteur. Ça commence toujours, c'est vrai, notamment pour les textes philosophiques, mais on pourrait élargir le cas. Ça commence toujours par des traductions dans, selon les critères de l'époque, avec de moindres scrupules philologiques et dans l'intention d'écrire quelque chose de bien lisible, de bien écrit, etc. Et Vialat a magnifiquement rempli son rôle, car c'était quelqu'un qui savait écrire, et c'était pas nécessairement le ton de Kafka, mais les histoires qu'il racontait, qui sont quand même une large part du message de Kafka, les fables qu'il écrit, elles étaient là, hein. Et même chose pour Marthe Robert, qui outre ses talents d'écriture propre, j'ai toujours admirer énormément ce qu'elle écrivait, ses essais, ses traductions, mais qui avait aussi assez longuement séjourné dans la réflexion sur Freud et sur la psychanalyse, etc., et qui donc était armée pour un regard sur Kafka tout à fait pertinent. Donc je m'inscris dans la suite avec un sentiment de dette à leur égard de ces gens-là, et je pense aussi aux autres traducteurs qui sont mes contemporains qui ont traduit les textes de Kafka. C'est le plus souvent très très bien, voilà. On se demande d'ailleurs ce qu'on peut faire de différent, et entre autres choses justement. J'insistais un peu sur cette notion d'oralité. Kafka est quelqu'un qui écrit vite. Ça explique aussi que Kafka ait pu séduire les gens de théâtre, parce que ils ont à l'oreille, ils ont repéré une prose qui est déjà prête pour le discours, qui est déjà prête pour la parole. Bon, ça rend pas les choses faciles quand on veut traduire. Disons que les solutions de l'allemand, du français écrit, sont très pesantes, sont très déterminantes. C'est ça que nous avons appris nous-mêmes, à écrire, et donc à écrire autrement que nous parlons. Et alors Kafka est dans une espèce de niveau intermédiaire entre deux eaux, entre deux contraintes, quand il écrit ses fables. Ça contribue fortement aussi au charme de son écriture. Ça potentialise en quelque sorte la simplicité dont parle Marthe Robert. Ça en fait quelque chose d'autre. Ça n'est pas uniquement simple. D'ailleurs, il arrive parfois à Kafka il ne joue pas avec la langue. Il l'apprend comme elle est, mais parfois il va utiliser les choses qu'on lui a apprises et qu'il a observées. Mais ce que je veux absolument dire, c'est qu'il est le seul dans son cas, c'est-à-dire que les autres écrivains pragois, Max Brod lui-même, Werfel, etc., et Meyrink, eux ne parlent pas cette langue sobre. Donc, d'une certaine manière, elle est certes l'héritage d'un habitant de Prague qui veut parler allemand, mais au bout d'un certain temps, ça ressortit à un choix, à une décision d'écrire comme ça. Finalement, cette sobriété dont on parle, qui est tout à fait vraie, est aussi une contrainte pour le traducteur qui dirige ses choix. Sobriété et oralité, hein, qu'on retrouve dans une autre nouvelle de Kafka qu'on va pouvoir entendre pour ouvrir cette deuxième partie de la nuit. On va entendre Denis Lavant qui en 2007 lisait Le Terrier, une nouvelle dont je sais que vous l'aimez beaucoup, Jean-Pierre Lefebvre, qui est une sorte de monologue intérieur d'un animal jamais précisément nommé dans la nouvelle, qui raconte comment il a construit son terrier. Et puis peu à peu qui sombre dans une forme de délire, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin dans une forme d'obsession un peu paranoïaque, le terrier devenant lui-même un objet de terreur pour lui d'une certaine façon. Pourquoi est-ce que c'est une nouvelle que vous aimez tout particulièrement ? D'abord, c'est une des dernières nouvelles. Elle a quelque chose d'un testament. Oui, elle est écrite six mois avant la mort de Kafka ou quelque chose comme ça. Oui, elle est écrite à Berlin, et Dora Diment a pu dire dans quelles circonstances il l'avait écrite. Et elle Dora Diment, la dernière compagne de Kafka. Voilà. Et donc, elle a dit même qu'il l'avait écrite en une nuit, ce qui me semble un peu court pour écrire cette très très longue nouvelle, ce long récit, ce long monologue que je recommande aux comédiens, justement, comme certains grands textes de la culture allemande, comme Hyperion, comme voilà des textes de cette qualité. Et mais en même temps, c'est très très fort du point de vue de la pensée aussi, car on a là affaire à un égoïste, un accapareur, quelqu'un qui thésaurise, qui accumule de la viande fraîche et qui la planque dans des souterrains, etc., et qui a peur que quelqu'un vienne y toucher. Donc il y a une dimension sociale dans le terrier. Qui est forte, qui le rapproche de celui qui accumule l'argent, de l'avare, des figures traditionnelles de l'avarice, et qui en même temps est assez brutal, qui se s'avoue lui-même brutal et qui en même temps ne s'en sort pas, qui est dans la contradiction, qui finalement croit entendre un ennemi, et en réalité, si l'on analyse bien le texte, ça ne peut pas être la voix d'un ennemi qui se rapproche, c'est toujours la sienne qui l'entend. Intérieur. Et donc il y a en creux une espèce de mise en évidence du fonctionnement du discours paranoïaque, mais d'une paranoïa nourrie d'angoisse, et d'angoisse qui n'est pas sans lien non plus avec, si l'on veut rapporter ça à l'histoire, avec la guerre 14-18, l'enfouissement dans les tranchées, la peur du bruit des gens qui creusaient des canaux, des tunnels pour aller attaquer l'ennemi, etc. C'est extrêmement puissant, hein. Ça a l'air de rien. Et en même temps, évidemment, ça parle de l'écrivain, ça parle de l'écriture, ça parle de ce qu'il a stocké, des manuscrits qui vont pas être lus, c'est-à-dire c'est une viande qui ne va pas être mangée, etc. Donc tout ça donne beaucoup de force à ce texte que je trouve lui aussi, il est écrit, la prosodie est superbe. J'ai traduit la plupart des textes de ces deux volumes, de ces deux premiers volumes, mais ce sont des amis qui ont traduit des passages du journal et de la fin, des fragments. Mais voilà, je me suis réservé en quelque sorte ce terrier, car j'avais vraiment envie de le traduire un peu comme on joue un morceau, comme on interprète une musique déjà écrite. Merci beaucoup Jean-Pierre Lefebvre. On se retrouvera tout à l'heure au petit matin pour conclure cette nuit. Mais d'ici là, place donc aux trois archives que nous allons pouvoir entendre dans cette seconde partie de la nuit. Dans un instant, Le Terrier, donc, lu par Denis Lavant en public, c'était en 2007. Puis un entretien avec Marthe Robert par Jean Amrouche pour l'émission Des idées et des hommes, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale en 1955. Et enfin, on n'a pas résisté au plaisir de faire entendre la fameuse Lettre au Père, lue en l'occurrence par André Dussolier, c'était pour l'émission Parole donnée, proposée et réalisée par Marguerite Gâteau en 1997. Lettre au père qui éclaire en bien des points les éléments biographiques que l'on peut retrouver parfois dans ses nombreux récits de Kafka.